بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نحن في الدرس السادس عشر من كتاب الصلاة في عمدة الأحكام donc nous sommes au 16e cours dans le livre de la prière dans عمدة الأحكام قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال ابن عبد الله والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لا تمنع إماء الله مساجد الله Selon عبد الله بن عمر رضي الله عنهما que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit Si l'épouse de l'un d'entre vous lui demande l'autorisation d'aller à la mosquée alors qu'il ne lui interdise pas. Alors Bilal, le fils de Abdullah, a dit par Allah, nous allons leur interdire. C'est alors donc que Abdullah s'est dirigé vers Bilal et l'a insulté. Il l'a insulté Seb ben Seyyi'an d'une très mauvaise insulte et que je ne l'avais jamais entendu, je ne l'avais jamais entendu l'insulter comme cela auparavant. Et lui a dit, je t'informe concernant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et tu dis, par Allah, nous allons leur interdire. Et dans une narration, n'interdisez pas aux servantes d'Allah d'aller dans les mosquées d'Allah. Takallamna sabiqan an hadha al-hadith. وذكرنا من فوائده تحريم نهي النساء عن الذهاب إلى المساجد. Nous avons parlé précédemment de ce hadith. Rappelle-moi après le cours pour ta question. C'est toi qui m'avais posé une question. Ouais. Et donc, on avait vu parmi les leçons profitables de ce hadith le fait qu'il est formellement interdit d'empêcher aux femmes d'aller à la mosquée lorsqu'elles le demandent. Wa qulna inna dhahabahunna ila al-masjid mabniyun ala shurut. Nous avons dit que le fait qu'elles aillent à la mosquée est basé sur des conditions. C'est-à-dire qu'il faut que ces conditions soient réunies pour qu'elles puissent y aller. Fa min hadhihi shurut adam at-tatayyub. Parmi ces conditions, le fait qu'elles ne mettent pas de parfum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit إذا شهدت إحداكن إذا ذهبت إحداكن إلى المسجد فلا تمس طيبا. Si l'une d'entre vous va à la mosquée alors qu'elle ne met pas de parfum. وذكر العلماء أن العلة في ذلك أن الشهر أن الطيب Muharrikun li shahwa. Les savants les ont cités donc parmi les raisons de cette interdiction, c'est le fait que le parfum va déclencher le désir chez les êtres humains, chez l'individu. Et donc voilà pourquoi il est important que la femme ne sorte pas parfumée de chez elle, que ce soit pour aller à la mosquée ou ailleurs. Et ça pour éviter les fitnas. Deuxième condition qu'on avait citée, le hijab. Le fait que la femme ait son hijab quand elle va à la mosquée. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, Ya ayyuhan nabi, Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, yudnina alayhinna min jalabibihin. Ô prophète, dis à tes épouses, tes filles, ainsi que les filles des croyants, qu'elles rabattent sur elles leur voile. Ce qui est étonnant, c'est après d'entendre des musulmans ou des personnes qui s'affilient à l'islam dire qu'il n'y a pas de voile en islam et que ceci est totalement culturel, que cela vient de la culture d'un pays maghrébin ou autre. Des personnes, des femmes qui jurent par Allah, je jure par Allah que le Coran, je l'ai lu en entier, j'ai pas vu le voile dedans. La hawla wa la quwwata illa billah. Et donc quand tu veux le lire, quand tu le lis sans vouloir le lire, ouais. Ouais. Et donc, il est important que nos sœurs ne se laissent pas emporter par cette vague et par ces ambiguïtés qui poussent les femmes à se dévêtir. À se dévêtir par faiblesse ou autre. On a cité aussi parmi les conditions le fait qu'il n'y ait pas de fitna. Que la femme soit préservée de tomber dans une fitna ou que l'homme aussi soit préservé. Et donc si ces conditions sont réunies, alors à ce moment-là, l'époux ne va pas interdire à son épouse d'aller à la mosquée si elle désire y aller. ثم ذكر بعض العلماء أنه يستفاد من هذا الحديث أن المرأة تستأذن زوجها إذا أرادت الخروج من البيت. Certains savants aussi ont cité comme profit, comme leçon de ce hadith, que la femme demande l'autorisation à son époux lorsqu'elle veut sortir de la maison. Parce qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, donc, si la femme demande la permission de sortir à la mosquée, et donc pour autre que la mosquée aussi, même chose. Le fait qu'elle demande la permission. ويستفاد من هذا الحديث التشديد والتغليظ على من اعترض على السنة برأيه. Nous pouvons aussi profiter de ce hadith dans le fait que l'application de la dureté et le fait d'être rude envers toute personne qui s'oppose à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam par sa passion ou ses opinions. Et donc il est important de comprendre l'importance de suivre le Coran et la Sunna. Tu n'as pas à venir avec ton opinion. La aucun ad-din bir-ra'y. Si la religion dépendait des opinions et des avis, il aurait été préférable de d'effleurer le dessous des chaussons que d'effleurer le dessus. Comme l'a dit Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Et donc il est important que nous soyons conformes au texte et que notre raison soit conforme au texte et que nous ne fassions pas comme les groupes égarés tels que le Mu'tazila, le Jahmiya et d'autres, l'Asha'ira, qui font prévaloir leur raison au texte. Car selon eux, la raison est une source sûre. La raison est une source sûre, mais pas les textes. وكذلك يستفاد من هذا الحديث كما ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تأديب الرجل ولده. On peut profiter de ce hadith parmi les leçons à tirer de ce hadith, comme l'a cité le Cheikh ibn Uthaymeen رحمه الله, le fait que l'individu, l'homme, va éduquer son enfant. Car ici, Abdullah ibn Omar, il a appliqué la dureté envers son fils Bilal. Ta'diban lahu. Pour l'éduquer, lui montrer, regarde la gravité de ce que tu as fait. La gravité de ce que tu as fait. Tu t'es opposé à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wa kadhalika fi hadha al-hadith, ثبوت ولاية الرجل على المرأة ورعايتها. Il y a dans ce hadith le fait d'affirmer l'autorité de l'homme sur son épouse et le fait que celui-ci doit s'occuper d'elle. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre الرجال قوامون على النساء. Les hommes ont autorité sur les femmes. وهذا الرجل الذي أعطاه الله تبارك وتعالى هذه الولاية هذا لا يعني أنه يجوز له أن يظلمها. Et cet homme à qui Allah tabaraka wa ta'ala a donné cette autorité, cela ne veut pas dire qu'il lui est permis de faire injustice à cette femme. Le même qui t'a donné autorité sur elle, c'est le même qui t'a dit « Wa'ashiruhunna bil ma'ruf » et comportez-vous avec elle de la bonne façon. « Bil ma'ruf » comportez-vous avec elle convenablement. Et c'est le même qui t'a interdit l'injustice. Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi. Fala tadhalamu, waj'altuhu bainakum muharraman, fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et j'ai fait en sorte qu'elle soit interdite parmi vous. Alors ne vous faites pas injustice. Comment est-ce que certains vont prendre cette partie, l'homme a autorité sur la femme? Et délaisser tout le reste, se permettre de faire toute injustice qu'il veut, sous prétexte que c'est moi l'homme. Anar Rajoul. À ce moment-là, on dit là. Minel mu'minina rijal. Parmi les croyants, il y a des hommes. Sadaku ma'ahadullah alayhi. Ils ont été sincères dans leurs promesses faites, dans leur engagement fait avec Allah. Ils ont accompli les ordres et délaissé les interdits. Ar-Rujula. Le caractère d'homme. On avait déjà vu le tafsir d'Ibn Sa'di dans ce verset lorsqu'il dit Fa'ha'ulahumur rijal. Walam yubaddilu walam yatahayyaru. Ils n'ont pas changé. En fonction des fitnas, manque d'argent, ou une fitna qui arrive, quoi que ce soit, on change. Non, ils n'ont pas changé en fonction des fitnas. Ils sont restés fermes sur cet engagement avec Allah. Il a dit, c'est eux les hommes. Wa ghayruhum, suwaruhum, suwaru rijal. Tandis que les autres, ils ont des apparences d'hommes. Wa laysu ala al-haqiqa. Mais ils ne le sont pas en réalité. Ce n'est pas ça le caractère d'homme. Min al-mu'minin al-rijal. Parmi les hommes, parmi les croyants, il y a des hommes. Et donc il faut absolument qu'on travaille sur ce point. Et surtout que cela va salir notre belle religion. Combien en France, combien, dès qu'ils voient un frère barbu avec une femme en hijab, ils se disent, miskina, comment elle doit se faire frapper à la maison. Miskina. Tout de suite, combien ils l'ont déjà dit? Oh, mais on pensait que vous ne rigolez pas. Ah ouais, on rigole pas. Ouais, on pensait que vous ne rigolez pas à la maison. Subhanallah. Et donc, alhamdulillah, celui qui nous a accordé cette belle religion. Et le hadith d'après, aujourd'hui on va finir, inshallah ta'ala, on va finir ce chapitre. An Abdillah ibn Umar radiallahu anhuma qual, Sallaytu ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rak'atayni qabla al-dhuhri wa rak'atayni ba'daha. Wa rak'atayni ba'da al-jum'ati wa rak'atayni ba'da al-maghribi wa rak'atayni ba'da al-isha. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma qui dit, j'ai accompli avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam deux unités de prière avant Dhuhr et deux après, ainsi que deux unités de prière après le Jumu'ah et deux unités de prière après le Maghrib et deux après l'Isha. Wa fi lafdhin fa amma al Maghrib wal Jumu'ah wal Isha fa fi al bayt. Et dans une autre narration, en ce qui concerne le Maghrib, le Jumu'ah et l'Isha, c'est à la maison. Wa fi lafdhin, et dans une autre narration, أن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها Et donc, dans une autre narration, Abdullah ibn Omar qui dit que Hafsa lui a rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il sajdatayn, donc c'est-à-dire qu'il priait, il accomplissait deux unités de prière. C'est ce qui est voulu par sajdatayn. Il accomplissait deux unités de prière après l'apparition du Fajr, après l'apparition du Fajr, donc le début du temps. Et c'était un moment durant lequel je ne rentrais pas chez lui, je n'allais pas le voir. وعن عائشة قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا على ركعتي الفجر. Aïcha qui dit le prophète صلى الله عليه وسلم n'avait pas pris l'habitude d'accomplir des nawafil de façon aussi ferme qu'il le faisait pour les deux unités du Fajr. وفي لفظ dans une autre narration du muslim Rak'at al-Fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Les deux unités du Fajr, donc la Sunna, sont meilleures que ad-dunya, ce bas monde et tout ce qu'il contient. Fa hadha al-hadith fihi mashru'iyyat ar-rawatib fi hadhihi al-awqat wa hiya 10. Et donc dans ce hadith, il y a l'aspect légiféré d'accomplir les rawatib, les prières surérogatoires, qu'on va faire à ces moments-là qui ont été cités dans le hadith. Et les rawatib, donc, qui sont au nombre de 10. Est-ce que c'est ça? Est-ce que nous, d'habitude, on prie 10 unités par jour? T'en as combien? 12. Et donc, là, on en a 10. Comment ça se fait? Comment ça se fait? On en a 10 ici. Non, même dans les 12, il n'y a pas le witr dedans. Dans le hadith, Abdullah ibn Omar nous a cité les rak'at qu'il a fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu comptes, il y en a 10. Il a dit donc, rak'atayn qabla adh-dhuhr. Ça fait 2. Et 2 après adh-dhuhr. 4. Et il en manque 2 avant adh-dhuhr. Et pourquoi il ne les a pas cités ici, Abdullah ibn Omar? Parce qu'il a cité ce qu'il a vu. Abdullah ibn Omar, il a cité ce qu'il a vu. C'est ce qu'il a vu. Il a vu ça, c'est ce qu'il a appliqué. وَجَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّ فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثم ركعتين أربعا ثم يصلي في المسجد ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين. عائشة رضي الله عنها qui dit comme dans Sahih Muslim que le prophète صلى الله عليه وسلم il accomplissait avant la prière du dhuhr 4 unités. Ensuite il priait, donc les 4 unités à la maison. Ensuite il allait à la mosquée, il priait. Et après, il revenait, après la prière de Dhuhr, il priait 2 unités. Et donc, ça nous fait 12. Et ça, c'est conforme avec le hadith de Ummi Habiba, dans Sahih Muslim. Ummu Habiba, radiallahu anha, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Man salla ithnei asharata raka'atan fi yawmin wa layla, bunye lahu bihinna baytun fil jannah. » Celui qui accomplit 12 unités de prière par jour et nuit, alors par celles-ci lui seront construites une maison au paradis, par les causes de ces prières qu'il a accomplies dans cette journée. Et donc, cela nous incite à faire ces prières, à accomplir ces prières, les rawatib. Mais maintenant, qu'est-ce qui est mieux, de les accomplir à la mosquée ou à la maison ? هذا الحديث فيه أفضلية القيام بها في البيت. Il y a dans ce hadith là le fait qu'il est mieux d'accomplir ces prières là à la maison. À la maison. Et d'ailleurs, il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme dans Sahih al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Omar, اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها كبورا. Accomplissez certaines de vos prières à la maison, Et n'en faites pas des cimetières. Ne fais pas de ta maison un cimetière, un endroit où tu n'as pas le droit de prier. Et donc, ces unités de prière que tu peux faire à la maison, fais-les à la maison. Certains, ils vont tout faire à la maison. On a déjà abordé le sujet, alors que c'est ici qu'il faut venir prier. Obligatoire. Et les surrogatoires, tu vas le faire à la maison. Certains, non. Obligatoire et surrogatoire à la maison. Non, non. Obligatoire à la maison et Tarawih qui est surrogatoire à la mosquée. Et donc, il faut qu'on fasse attention, qu'on apprenne qu'est-ce que la sunna. Comment prier correctement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait. Wa as-salatu fil bayt ad'a lil ikhlas. Le fait que tu pries à la maison, cela est meilleur pour que tu aies la sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala. Que tu ne penses pas à si les frères ne me voient pas prier, qu'est-ce qu'ils vont penser? À etc. etc. Non, ta prière, tu l'as fait pour Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait que tu pries à la maison, c'est mieux pour éviter que tu ne sois touché par l'ostentation. Waqad zakara awa ja'a an Abi Umam al-Bahili أنه أتى على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي ويدعو ربه. Il a été rapporté avec une chaîne de transmission authentique, selon Abi Umam al-Bahili, qu'il est rentré à la mosquée et qu'il a vu un homme prosterné qui pleurait et qui invoquait son Seigneur. Il lui a dit: Anta, anta, law kana fi baytik. Pendant qu'il priait, elle lui a dit: Toi, toi. Si seulement c'était à la maison, si seulement tu faisais ça à la maison, c'est beaucoup mieux pour toi de faire ça à la maison. Toi, tu pries chez toi, alhamdoulillah, tu ne vas donc pas être touché par l'ostentation, etc. C'est beaucoup mieux. Mais maintenant, il y a un autre sujet. Le fait qu'on va se dire, bon, inshallah, je vais prier à la maison. Et que tu sais que quand tu arrives à la maison, tu ne le fais pas. Tu sais que quand tu arrives à la maison, tu ne le fais pas. Tu es fatigué parce qu'avant d'arriver à la maison, tu as fait plusieurs choses. Tu es allé visiter un tel, tu es allé faire ci, ça, ça. Tu arrives à la maison, fatigué, tu vas dormir. À ce moment-là, tu fais ici. Tu fais ici. Et c'est ce qu'on avait vu précédemment, que parfois, il est préférable de faire ce qui est moins préférable. Il est mieux de faire ce qui est moins préférable dans certaines situations. À la base, il est moins préférable que tu pries à la mosquée. C'est mieux de prier chez toi, la prière surrogatoire. Mais dans certaines situations, quand tu sais que quand tu vas arriver à la maison, ça va être difficile, il y a du monde, etc., etc., tu les fais ici, alhamdulillah. هذا هو ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.